Voilà, tout s'arrête. J'ai vendu les bêtes, brûlé les guenilles. Tu vides les placards, je ferme le hangar, on laisse la broutille. On va vivre au bourg, par là où un jour est partie notre fille. Vers un autre espoir, vers une autre histoire, une autre famille. C'est le bout du chemin, on dit plus à demain, ça c'était hier. Demain c'est plus rien, c'est plus le gagne-pain, c'est plus les horaires. C'est le repos, enfin, je passerai mon chemin, bien loin des ornières. Au creux de mes mains, je n'aurai plus d'entrain, mais je serrerai mon verre. C'est ma dernière pièce, y a ce copeau qui me blesse et qui s'entortille. Les gars, venez voir, j'ai dans mon placard du vin qui pétille. Je suis un peu pompette, j'ai comme dans la tête un roulement à billes. C'est le dernier soir que je vous dis au revoir et que je me rhabille. C'est le bout du chemin, je vous dis plus à demain, ça c'était hier. Demain c'est plus rien, c'est plus le gagne-pain, c'est plus les horaires. C'est la quille, enfin, je mangerai mon bout de pain, bien loin des vestiaires. Et je tends une main qui n'a plus besoin de son savoir-faire.